En Corée, à l'époque de la dure lutte révolutionnaire anti-japonaise, ont été créés bien de tableaux de peinture représentant les qualités du grand homme légendaire du Mont Baektu. Les combattants anti-japonais et d'autres habitants fascinés par le leadership éminent et les nobles qualités populaires du jeune général Kim Il-sung, âgé d'une vingtaine d'années, ont dessiné sa figure sous de divers styles comme la peinture coréenne, la peinture à plumes, la gravure et le crayonnage, faisant date pour créer des ouvrages artistiques représentant le leader. On peut citer par exemple la peinture coréenne, le commandant Kim Il-sung appelle à l'anéantissement de l'ennemi, la gravure, le commandant Kim Il-sung conçoit une opération, et le crayonnage, le commandant Kim Il-sung s'entretient avec des villageois âgés.